faudrait réformer, c'est donner beaucoup plus de poids au secrétaire général, donner également beaucoup plus de pouvoir à l'organe central qui est chargé de régler les conflits, et sortir, disons, si on fait le bilan de ce qui a été fait, il est certain qu'on peut, eh bien, sans pour autant jeter la pierre ni l'anathème à l'OUA, dire que l'OUA est en deçà de l'attente des populations africaines en matière de gestion des conflits. Pendant très longtemps, l'OUA a préféré le dialogue à l'africaine, pensant qu'une solution typiquement africaine pourrait régler définitivement les conflits, et il s'est avéré que nous nous sommes trompés. Donc il faudrait que l'on puisse, au niveau de ces organes, condamner tel ou tel État, également condamner des pays qui interviennent dans les conflits avec soit des arrière-pensées, soit des intérêts sous-jacents à leur intervention. OUA 1963-2000. Au terme de ses 37 ans d'activité, voici quelques témoignages plus distanciés qui pourraient nous permettre d'en dresser un peu le bilan. En tout premier lieu, celui de l'ancien ministre de la Justice et ancien vice-président du Niger, Issoufou Seydou Djermakoy, enregistré en 1994 pour le compte de l'émission « Mémoire d'un continent » à RFI.